aborder. Je ne fais qu'y penser. Pourquoi pas t'avouer, confier à un sourd-muet que je n'ai que toi à mes côtés, mais ne peux que t'imaginer. Ce serait tout gâché. Pourquoi pas te libérer, te virer de mes pensées. Je pourrais enfin respirer sans être obsédé par l'idée qu'il faille encore te partager. Parfois d'avoir essayé.